بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الدرني درس هنا فيني الأصول الثلاثة les trois fondements du Cheikh Mohammed Ibn Abd al-Wahhab رحمه الله تعالى. On attaque le deuxième, Inch'Allah, le deuxième livre au programme. C'est même pas un livre, c'est une petite risala de une page, une petite lettre de une page, qui s'appelle Nawaqid al-Islam al-Ashra, les 10 annulations de l'islam. Mais avant d'attaquer l'étude des annulations de l'islam en tant que telle, on va faire une muqaddima, une introduction. Dans cette introduction, on va parler de plusieurs points qui sont comme qui précèdent l'étude de ces annulations de l'islam. Certains points, on les a déjà vus dans l'usul al-thalatha. On va les répéter. D'autres, on les a jamais vus. On va les voir là de manière résumée dans cette introduction, inshallah. Et ensuite, le dars prochain, on attaquera en tant que tel l'étude des annulations de l'islam. Au niveau de l'étude du tawhid, comme de toutes les sciences, je parle ici des sciences de la sharia, il est très important de respecter certaines règles. Parmi lesquelles l'étude des textes, d'abord des textes résumés, al-mutun, al-mukhtasara, au niveau du tawhid, du fiqh et d'autres sciences comme mustalah al-hadith, la science du hadith, usul al-fiqh, les bases du fiqh ou même al-nahu, la grammaire arabe. Ne commencer par des textes résumés et de ne pas commencer par exemple, des livres plus longs, des livres vraiment longs, ce qu'on appelle al-mutawwalat. C'est pour ça qu'on a commencé par al-usul al-thalatha, qu'on va continuer par nawaqid al-islam, qu'on va étudier ensuite les annulations d'islam, qu'on va continuer ensuite avec al-qawa'id al-arba'a, les quatre règles qui différencient entre le musulman et le mushrik. Et ensuite, on attaquera soit kashf al-shubuhat, soit kitab al-tawhid, insha'Allah ta'ala. Donc, le premier point, wujub ta'allum al-tawhid, l'obligation d'apprendre le tawhid. Allah dit dans le Coran, dans Surat Muhammad, le verset 19, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ Et sache que لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ que rien n'est digne d'être adoré sauf Allah سبحانه وتعالى. هذه الآية تأمرنا بتعلم التوحيد وتعلم معنى لا إله إلا الله وما تقتضي هذه الكلمة ونواقضها وشروطها وأركانها وما إلى ذلك. Ce verset nous ordonne d'apprendre le sens de لا إله إلا الله, c'est-à-dire le tawhid. Ce verset, c'est une preuve de l'obligation d'apprendre le tawhid, puisque c'est un ordre. D'apprendre le tawhid, d'apprendre les conditions du tawhid, les piliers du tawhid, et c'est ce qu'on va faire maintenant, les annulations du tawhid, c'est-à-dire les choses qui annulent le tawhid. Qala al-Sheikh Abdallah ibn Abd al-Rahman, Abba Abtin, rahimahullah ta'ala, wa fardun ala kulli wahid ma'rifat al-tawhid wa arkan al-islami bid-dalil, wa la juzu al-taqlidu fi zalik. ولكن العامي الذي لا يعرف الأدلة إذا كان يعتقد وحدانية الرب سبحانه ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالبعث بعد الموت وبالجنة والنار وأن هذه الأمور الشركية التي تفعل عند هذه المشاهد باطلة وضلال فإذا كان يعتقد ذلك اعتقادا جازما لا شك فيه فهو مسلم وإن لم يترجم بالدليل لأن عامة المسلمين لو لقنوا الدليل لو لقنوا الدليل فإنهم لا يفهمون المعنى غالبا في الدرر المجلد العاشر صفحة 49. Le Cheikh Abdallah ibn Abd al-Rahman Abba Abtin, parmi les savants du Najd, dit: il est une obligation pour chaque personne de connaître le tawhid et les piliers de l'islam avec le dalil, c'est-à-dire avec la preuve en plus, comme on le fait à chaque fois en ramenant les preuves du Coran et la Sunna sur ces questions-là. Et il n'est pas, le suivi aveugle n'est pas permis en cela. C'est pas permis de faire le suivi aveugle sur ces questions-là. C'est-à-dire, tu vas, là, n'importe qui te parle, tu prends comme ça. D'accord? Il faut que tu aies le dalil de ce qu'on t'apporte. C'est-à-dire, tu dois, lorsqu'on te parle de quelque chose dans le din, tu dois chercher la preuve. Avant de croire et avant d'agir. Il dit, mais la personne du commun, s'il ne connaît pas les dalils, et qu'il a la croyance ferme à l'unicité du Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et le message de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il croit à la résurrection après la mort, et qu'il croit au paradis et à l'enfer, et quoi? Et qu'il croit que ces choses de shirk que l'on fait auprès des tombes sont nulles et sont de l'égarement, S'il connaît, s'il croit à tout cela d'une croyance ferme, il est musulman. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une obligation de connaître les preuves, toi, dans ta croyance, dans ton tawhid et dans ta aqidah. Mais si la personne ne connaît pas les preuves, si sa aqidah est bonne, il est musulman. Même s'il ne connaît pas les preuves. Vous comprenez ce que je veux dire? On ne dit pas qu'il est kafir, comme disent certains innovateurs. D'accord? Mais ce qu'il a fait, il a un péché quand même, de ne pas avoir cherché la preuve. Et si jamais il se trompe dans le tawhid, on va le voir, et qu'il tombe dans le shirk, par ignorance, il ne sera pas excusé non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Cette parole-là, elle est dans Dora Sani, le volume 10, la page 409. Ça nous indique deux choses ici. Qu'il est une obligation d'apprendre le tawhid. Et la deuxième chose, qu'il est interdit de faire le suivi aveugle dans le tawhid, dans le shirk, le taqlid. C'est-à-dire le taqlid, c'est quoi? Qaboul qawl ghayr bidouni hujja. Accepter la parole de quelqu'un sans avoir de preuve. Un tel, il a dit ça. L'imam, il a dit ça. Le père, il a dit ça, on le suit sans savoir même sa preuve. Non, il faut revenir au Coran et à la Sunna et ne prendre que de celui qui donne sa preuve. La deuxième question, wujub ma'rifat al-shirk wa nawaqid al-islam. Comme il est une obligation de connaître le tawhid, il est une obligation de connaître le shirk, c'est-à-dire quelle est la réalité du shirk, qu'est-ce que le shirk, l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. On va le voir dans la première annulation de l'islam, wa nawaqid al-islam, les annulations de l'islam. Il est une obligation. Pourquoi? Parce que si tu aimes Allah et si tu aimes sa religion, tu veux rester sur ce dîn. Or, cette chose-là, le shirk et les annulations d'islam, ça te fait sortir de ce dîn et ça te fait entrer parmi les gens de l'enfer. D'accord? Donc, c'est une obligation de connaître cette chose-là. Et tu ne peux pas t'en désavouer et tu ne peux pas t'en écarter que si tu le connais. An Hudayfat ibn al-Yamam, yaqul, kana an-nas yas'aluna Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam an al-khayr, wa kuntu as'aluhu an al-shar. مخافة أن يدركني أخرجه البخاري. البخاري rapporte dans son صحيح comme حذيفة بن اليمان, un des grands compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم, il disait حذيفة رضي الله عنه, les gens questionnaient le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم à propos du bien. Quant à moi, je le questionnais à propos du mal, de peur d'y tomber dedans. C'est-à-dire حذيفة, il demandait au prophète صلى الله عليه وسلم, il lui demandait à propos des fitnes, des troubles qui vont se passer après sa mort, etc., etc., à propos du mal en général, d'accord? Des hypocrites, de l'hypocrisie, etc., etc. Pourquoi? Il disait pourquoi? De peur d'y tomber dedans. Et ce hadith, il est dans le Bukhari. Ça prouve que Hudayfa, il avait compris comme quoi, il faut apprendre ces choses-là. Il faut apprendre le mal pour s'en écarter. Celui qui connaît pas le mal, qui connaît pas le shirk, qui connaît pas les annulations d'islam, il y tombe dedans. D'accord? Parler simplement de la grandeur d'Allah, c'est une bonne chose. De ses attributs, c'est une bonne chose. Parler de l'adoration en Allah, c'est une bonne chose. Mais si les gens, c'est là, ce qui se passe à notre époque, si on n'en parle jamais du shirk et de l'enfer et des péchés ou quoi que ce soit, ils y tombent dedans. Allah Azza wa Jalla, il a dit dans Sourate Yusuf, Walakinna aktharan nas la ya'lamun. Mais la plupart des gens ne savent pas. Ibn Kathir, rahimahullah, قال, Ay falihada kana aktharuhum mushrikin. Il dit, à cause de cela, comme la plupart des gens ne savent pas, la plupart d'entre eux sont des mushrikin. Sont des associateurs. C'est parce qu'ils ne savent pas, les gens ils ne connaissent pas le shirk et les annulations d'islam, qui tombent dans le shirk. وسبب الوقوع في الشرك هو الجهل بالتوحيد قديما وحديثا والغفلة عن تعلمه مع أن أدلة التوحيد والشرك من أوضح ما يكون في الكتاب والسنة. Et la cause du fait que les gens tombent dans le shirk, c'est le fait qu'ils ignorent le tawhid. Et cela, c'est en tout temps, c'est-à-dire comme c'est à notre époque, comme c'était précédemment, dans les siècles passés. Et le fait de ne pas prêter d'importance à apprendre le tawhid. Regardez autour de vous dans les mosquées, ou soi-disant les chaînes qui font des drosses religieuses, il y a très peu de gens qui parlent de tawhid. On parle de quoi? On parle de bons comportements, on parle de pas mentir, on parle de je sais pas quoi, le travail, les choses comme ça. On parle pas de tawhid et de shirk. Pas de khutbah sur le tawhid et le shirk. Alors que c'est la première chose qu'Allah a donnée. Le tawhid et le shirk, c'est la première chose qu'Allah a interdit. Alors, et les preuves du tawhid et du shirk sont les choses les plus claires dans le Coran, dans la Sunna. Celui qui lit le Coran régulièrement, comme il doit le faire, c'est-à-dire chaque jour, il ne doit pas laisser un jour qui passe sans lire le Coran, au moins un hizb, si ce n'est deux hizb. C'est ça qu'il convient de faire. La personne qui fait ça, il va avoir le tawhid devant lui. Les versets du tawhid, tout le temps le Coran ça parle du tawhid. قال الشيخ عبد الله بابتين ففرض على كل مكلف معرفة حد العبادة وحقيقتها التي خلقنا الله من أجلها ومعرفة حد الشرك وحقيقته الذي هو أكبر الكبائر. وتجد كثيرا ممن يشتغل بالعلم لا يعرف حقيقة الشرك الأكبر وإن قال إنه شرك في العبادة لقول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا في الدرر الثانية المجلد 12 صفحة 75 وهو رسالة الانتصار لحزب الله الموحدين للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين grand savant du Najd, le mufti du Najd dans son temps, il dit c'est une obligation sur chaque personne responsable de connaître la définition de l'ibada, de l'adoration, et sa réalité pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Il est une obligation de connaître la définition du shirk et sa réalité, car c'est le plus grand des péchés. Et tu verras beaucoup de gens qui s'intéressent à la science de la religion et qui ne connaissent pas la réalité du shirk akbar. Ils ne connaissent pas la réalité du shirk akbar. Et ça, c'est la quasi-majorité des gens qui se prétendent des savants. Parmi les savants du shirk et de la bid'a. Parmi les asha'ira. Hein, et parmi les sectes égarées. Ce passage, il est dans Durr al-Saniya, le volume 12, la page 75, et la Aqidat al-Muhaddin, la page 27. De même, le Cheikh Abdallah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, le fils du Cheikh Muhammad Abdul Wahhab, Abdallah, il dit « وَعَلَمَ أَنَّ هَذِي الْمَسَائِلِ مِمَّا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ الْاِعْتِنَاءُ بِهِ لِيَلَّا يَقَعُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا وَهُوَ لَا يَشْعُرْ وليتبين له الإسلام والكفر حتى يتبين له الخطأ من الصواب ويكون على بصيرة في دين الله ولا يغتر بأهل الجهل والارتياب وإن كانوا هم الأكثرون عددا فهم الأقلون عند الله وعند رسوله والمؤمنين قدرا. Il dit le Cheikh Abdallah, rahimahullah, et sache, il s'adresse à tous les musulmans, que ces questions-là, c'est-à-dire les annulations de l'islam, c'est cela, le croyant doit faire très attention à ces questions-là, d'accord ? Afin de ne pas tomber dans une de ces annulations sans qu'ils s'en aperçoivent. Et ça, on va en parler. Il se peut que les gens, ils apostasient et tombent dans le kufr et shirk sans apercevoir. Et ça, c'est une des croyances, notre croyance à nous, les gens de la sunna et de la jama'a, les gens du tawhid, comme quoi une personne, il peut sortir de l'islam sans s'en apercevoir. Voilà, il y a des preuves claires dans le Coran. D'accord ? Il pense qu'il est bien guidé, et avec cela, il est dans le kufr et il sera dans l'au-delà parmi les gens de l'enfer éternel. Et c'est une des différences entre nous et entre les innovateurs parmi les sectes de Al-Murji'a, Al-Jahmi'a, Al-Asha'ira, etc. Il dit, le Cheikh Abdallah, et afin qu'il sache la différence entre l'islam et le kufr, entre l'islam et la mécréance, et qu'il sache la différence entre l'erreur et la vérité, et qu'il soit dans la clairvoyance à propos de la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et qu'il ne soit pas trompé par les gens de l'ignorance et du doute. Car s'ils sont les plus nombreux au niveau du nombre, ils sont les moins nombreux auprès d'Allah et de son messager. Et ils n'ont pas d'importance pour eux. Vous comprenez ce qu'il veut dire le Cheikh Abdallah ici? C'est dans Durr al-Saniya, le volume 10, la page 150. C'est une risala qui s'appelle Kalimat al-Nafi'a, fil Mukaffarat al-Waqi'a. C'est un épître où il parle des annulations d'islam. Et dans lequel, et ça c'est l'introduction. C'est-à-dire, il veut dire que ces questions-là, il faut s'y intéresser. Il faut connaître les annulations d'islam. S'il faut, par cœur, avec les dalils. Afin de ne pas y tomber dedans. Et afin de mettre en garde les gens contre cela. D'accord ? Donc le premier but, lorsqu'on apprend ces annulations d'islam, et lorsqu'on apprend les règles de l'iman et de le kofr, de la foi et de la mécréance, ce qu'on est en train de faire, c'est de se protéger soi-même du fait d'apostasier du din, et de sortir de ce din. Et de se protéger soi-même de l'enfer éternel. Et ensuite, de mettre les gens en garde contre cela, et ensuite, comme on va le voir, de défendre la religion en sortant du din, ceux qui n'en font pas partie. Le point suivant, wujub al-khawf min ash-shirk wa su' al-khatima. Wa hiya mas'ala man kafara wa huwa la yash'ur. Le point suivant, son titre, c'est l'obligation d'avoir peur de tomber dans le shirk et de su' al-khatima, et le fait d'avoir une mauvaise fin. C'est-à-dire que la personne, il doit avoir peur pour lui-même de sortir de l'islam. Il ne doit pas penser que ça y est, il a compris l'islam, il a compris le tawhid, soi-disant pour la plupart des gens. Et ça, il va vivre musulman et mourir musulman. Non. Tu dois toujours rester dans la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la peur qu'il t'enlève ce din. Car c'est lui qui te l'a donné. Et ça, c'est basé sur une question qui est quoi? Le fait qu'on peut sortir du din, on peut mécroire tout en pensant être bien guidé. Tout en pensant être bien guidé. Allah, il dit dans Surat al-Hujurat, les appartements, يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Allah dit ce qui signifie: oh, vous qui croyez, ne levez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète. et ne vous adressez pas à lui comme vous adressez les uns aux autres, de peur que vos actes soient annulés alors que vous n'en êtes même pas conscient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui s'adresse au prophète de manière entre guillemets irrespectueuse, c'est de la mécréance, et qui sort de l'islam alors que lui ne pensait pas faire quelque chose de mal. Ouais. Donc ce verset, c'est une preuve qu'on peut sortir de l'islam alors que vous en apercevez pas. Il y a de nombreux versets dans ce verset. قال البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان من صحيح باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. البخاري رحمه الله dans son صحيح, dans son livre صحيح البخاري, il a un chapitre dans lequel il dit, chapitre, la peur qu'a le croyant que ses actes soient annulés sans qu'il ne s'en aperçoive. Donc le croyant, il doit avoir peur de cela. Il doit avoir peur de sortir de l'islam. Il doit avoir peur de tomber dans le shirk. C'est un des signes du croyant. Hein? Ibn Abi Mulayka, rahimahullah, il dit, comme c'est cité dans le Bukhari, dans le chapitre que vous avez cité, il dit, « Adraktu thalathina min ashabin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, kulluhum yakhafu nifaq ala nafsih. » Ibn Abi Mulayka il dit, j'ai connu 30 parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 30. Et ils craignaient tous l'hypocrisie pour eux-mêmes. Alors, ils craignaient tous de quoi? De devenir des hypocrites. Donc il faut avoir peur de quoi? Faut pas être sûr. Tu dis pas, ça y est, j'ai la foi, c'est bon. Non. Tu dois avoir peur de perdre cette foi qu'Allah t'a donnée. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait toujours al-thabat, le fait d'être ferme. Il disait, ya muqallib al-qulub, sabbit qalbi ala dinik. Il faisait comme dua, c'est une dua authentique. Oh, qui toi qui as fermé les cœurs, as fermé mon cœur sur ton din. D'accord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que dans la salat, on demande, ihdina sirat al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Une personne pas intelligente pourrait dire, mais on est déjà sur le droit chemin, le muslim, quoi que ce soit. C'est quoi la faïda? Faïda, c'est garde-nous sur ce sirat al-mustaqim. Jusqu'à ce qu'on te rencontre. Le point suivant, on le fait en résumé, de manière résumée. Chaque point, de manière résumée. Le point suivant, haqiqatul islam, la réalité de l'islam. On a vu que l'islam, c'est pas une prétention. On l'a vu dans l'usul al-thalath, à ce chapitre, on le répète ici. L'islam, c'est pas une prétention. C'est une réalité, une haqiqa. Pour que la personne, il soit musulman auprès d'Allah Azza wa Jal, il faut des conditions. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans surat al-Nisa, le verset 125, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Et quel meilleur dîn? C'est le verset 125 de sourate An-Nisa, la sourate 4. 125, sourate 4. Quel meilleur dîn que celui qui soumet sa face, c'est-à-dire son être à Allah, subhanahu wa ta'ala, tout en étant bienfaisant, et qui suit la religion de Ibrahim, le Hanif, celui qui était exempt de shirk. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Et Allah a pris Ibrahim comme ami intime. Ça veut dire qu'ici, il nous décrit l'islam. L'islam, c'est quoi? C'est l'istislam. أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ. Celui qui s'est soumis, sa face devant Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pas celui qui dit juste, je suis musulman, ou celui qui dit juste, la ilaha illallah. Il faut qu'il ait soumis tout son être à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire soumis son être par le tawhid. Et ça implique, comme l'ont dit les gens de la sunna, on va citer Al-Ijma', comme l'ont dit les gens de la sunna, ça implique que la personne il soit soumise à Allah, subhanahu wa ta'ala, par son cœur, par ses paroles et par ses actes. C'est-à-dire que la foi, chez les gens de la sunna, c'est à la fois croyance du cœur, parole de la langue et acte des membres. Si l'un de ces trois piliers vient à manquer, la personne ne sera pas musulmane. Il ne sera pas mu'min et il sera du nombre d'elles kafirin. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة بالآخر رواه اللالكائي في السنة. الشافعي رحمه الله يقول إلي إجماع unanimité de sahaba, des compagnons, et de tabi'in, de leurs suivants, et de ceux qui les ont suivis, parmi ceux que nous avons connus, comme quoi la foi, l'iman, c'est une parole, un acte et une intention. Ici, ça veut dire quoi? c'est une parole du cœur, c'est-à-dire croire par le cœur, une parole de la langue, croire par la langue, et agir par les membres. D'accord? L'un des trois n'est valable qu'avec les autres. C'est-à-dire, il faut que ces trois choses soient présentes pour que la foi soit bonne. S'il manque une de ces choses, la foi n'est pas authentique. La personne n'est kafir. Ça, c'est rapporté par Al-Kai dans Sunnah, un livre qu'on appelle Sunnah, on l'appelle aussi Sharh Usul I'tiqad Ahl-Sunnah wal-Jama'a, le numéro 1593. C'est très important parce que c'est un ijma', c'est une unanimité. Ça, c'est un délit dans notre sharia. On l'a déjà vu dans l'introduction des durus de fiqh, qu'on va refaire, Inch'Allah. Comme quoi l'ijma', l'unanimité, c'est quand tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont unanimes sur une question qu'ils ont déduit du Coran et la Sunna. Là, c'est le cas. C'est que quoi? C'est que la foi, elle est bonne que s'il y a parole, acte et croyance du cœur. Et que s'il manque une de ces trois choses, la personne, il n'est pas musulman, il est kafir. Faire très attention, parce que ce ijma' qu'il a rapporté Shafi'i, les Murji'a à notre époque, ils le renient. Ils le démentent. Ils te disent, une personne, il peut être musulman s'il dit la ilaha illallah et qu'il croit dans son cœur. Même s'il ne fait aucun acte de bien. Il ne fait ni la salat, il ne donne pas la zakat, il ne fait pas le siyam, il ne fait pas le hajj. Il ne fait aucun acte de bien, ils te disent, ouais, c'est un musulman. Il dit la ilaha illallah. Non, Shafi'i, rahimallah, il a dit, il faut ces trois choses. Si l'une des trois vient à manquer, il n'est pas musulman. Et ijma' des compagnons sur cette question. C'est ça la croyance des sunnites. De même, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit, en définissant l'islam, وَالْإِسْلَامُ هُوَ تَوْحِيدُ اللَّهِ وَعِبَادَتُهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَالْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَاتِّبَاعُ فِيمَا جَاءَ بِهِ فَلَمَّا لَمْ يَأْتِ الْعَبْدُ بِهَذَا فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَافِرًا مُعَانِدًا فَهُوَ كَافِرٌ جَاهِلٌ في طريق الهجرتين صفحة 90 و300 ابن القيم رحمه الله يدي الإسلام c'est le توحيد d'Allah, l'unicité d'Allah سبحانه وتعالى et son adoration seul, sans associé. Ça c'est la première condition, le توحيد. Ça veut dire que si une personne il fait du shirk, il ne peut pas être sur l'islam. Un musulman mushrik, c'est une contradiction qu'on peut pas, qui n'est pas acceptable dans notre dîne. Vous êtes d'accord avec moi? Une personne, l'islam c'est le توحيد. Donc ici, ceux qui te disent que les mouchriquines, ceux qui associent à d'autres qu'Allah Azzawajal, restent musulmans parce qu'ils sont ignorants ou parce que je ne sais pas quel excuse ou quoi que ce soit, c'est complètement faux. Et c'est contraire à la preuve. L'islam, c'est le tawhid. Celui qui n'a pas le tawhid, c'est-à-dire qui n'adore pas Allah seul, qui ne prend pas Allah seul comme législateur, qui donne une adoration à un autre qu'Allah, il n'est pas musulman. Il ne rentre pas au nombre des musulmans. Donc l'islam c'est le tawhid d'Allah, son adoration seule sans associé. Et la foi à Allah et à son messager. Et le fait de le suivre, de suivre le messager. Hein? Dans ce avec quoi il est venu. C'est ça l'islam. Si le serviteur ne vient pas avec cela, il n'est pas un musulman. Et s'il n'est pas un kafir mu'adid, un kafir rebelle, c'est un kafir jahil, un kafir ignorant. Ça veut dire quoi? Si l'une de ces conditions citées manque, la personne, il est mécréant. Qu'il soit ignorant ou rebelle. Le rebelle, c'est quoi? Celui qui sait tout ça et il le renie. L'ignorant, c'est quoi? Celui qui ne sait pas. Mais il est quand même kafir. On est d'accord? C'est ce qu'il nous dit Ibn al-Qayyim dans son livre Tariq al-Hijratain, dans la page 390. Très important, parce que ici vous voyez la réalité de l'islam telle qu'elle est dans le Coran, dans le Sunnah et dans l'Ijma'. Donc quoi? L'islam, c'est le tawhid. Et l'islam, c'est la soumission au prophète. C'est-à-dire, dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne un ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois t'y soumettre. D'accord? Le plus grand ordre qu'il a donné, après le tawhid, c'est la salah. Celui qui délaisse la salah, c'est un kafir, c'est un mécréant. Il a laissé l'acte des membres, le plus important. Il y a des preuves khasses, adillatun khassa, comme quoi il est mécréant. Qala al-Sheikh Abdurrahman ibn Hassan, rahimahumullah, ajma' al-ulama salafan wa khalafan, min as-sahabati wa al-tabi'ina wa al-a'imma. وجميع أهل السنة أن المرأة لا يكون مسلما إلا بالتجرد من الشرك الأكبر والبراءة منه وممن فعله ومعاداتهم بحسب الطاقة والقدرة وإخلاص الأعمال كلها لله في الدرر المجلد 11 صفحة 45 و 500. Le Cheikh عبد الرحمن بن حسن, le petit fils de Mohammed Abdouhab, il a dit dans le Durrar al-Thani, le volume 11, la page 445, il dit: les ulama sont unanimes. Ajma'a, c'est encore une ijma'a ici. C'est-à-dire, c'est pas simplement la parole d'un savant. C'est pas simplement, il faut faire très attention à ça. C'est pas la parole d'Abdurrahman Hassan ici. Je le cite de lui, mais lui, il ramène les ijma'a, l'unanimité de l'ulama. Il n'y a pas de divergence dans ça. La personne qui est alim dans l'islam, qui est savant de l'islam, ils sont tous unanimes sur ça. Il dit quoi? Les ulama sont unanimes. Parmi les salaf, les trois premières générations, et les khalaf, ceux qui les ont suivis. Parmi les compagnons et les tabi'in et tous les imams. Et tous les gens de la sunna, c'est-à-dire tous les sunnites, les gens de la secte sauvée. Qu'est-ce qu'il dit? Comme quoi la personne ne sera pas musulmane jusqu'à ce qu'il se soit débarrassé du shirk akbar, de la grande association. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il n'ait plus fait de shirk. C'est la première condition. Jusqu'à ce qu'il n'ait plus fait de shirk. Et ensuite, qu'il se soit désavoué du shirk et de ceux qui le commettent. D'accord? Ça, c'est ce qu'on a parlé dans le dars précédent, à la fin de l'usul al-thalatha. C'est le kufr bit-taghut. Le fait de mécroire au taghut. C'est quoi? Ne pas commettre de shirk et en plus s'en désavouer. Toi, tu le commets pas. Et lorsque tu vois quelqu'un le commettre, tu te désavoues de ce shirk. Wa mimman fa'ala, et de celui qui fait le shirk. C'est-à-dire, tu le taxes de mushrik. Tu le déclares mushrik. La personne, il n'est pas musulman s'il ne fait pas cela. Wa mu'adatihim, et il les prend pour ennemis en plus de cela. Tant qu'il a en fonction de sa capacité et de sa force. Parce que al-adawa, on l'a vu et on le reverra, inshallah, al-adawa ou al-mu'ada, c'est en fonction de qudra. L'inimité, c'est apparent. Tu peux la faire apparaître si tu es en état de force, et tu peux cacher ton inimité si tu es en cas de faiblesse. C'est ce qu'ils ont dit les ulama, comme le Cheikh Abd al-Latif ibn Abd al-Rahman, parmi les savants du Najd, et c'est le fils du Cheikh dont on est en train de citer la parole. Il dit, et pour finir, la deuxième partie est quoi? Wa ikhlasul a'mali kulliha lillah, et le fait de rendre un culte pur à Allah Azza wa Jal par tous les actes. C'est-à-dire que tous les actes soient purement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes nos adorations sont purement pour Allah. Al-mahabbat wa al-khawf wa al-raja, notre amour, notre crainte et notre espoir, purement pour Allah. Al-du'a wa al-salah wa al-sujud wa al-shismu wa al-tawaf wa al-dhabh wa ghayraha min anwa' al-ibada khalisatan lillah ta'ala. Toutes les sortes d'adoration, l'invocation, le sacrifice, le sujoud, le ruku', at-tahakum, le fait de demander le jugement et de juger par sa loi seule, tout ça, ça doit être purement pour Allah subhanahu wa ta'ala. At-ta'a, l'obéissance, tout ça, ça doit être purement pour Allah. C'est celui-là le musulman. C'est pas celui qui adore Allah et qui ensuite adore les tombes. C'est pas celui qui lit le Coran et qui ensuite adhère à la laïcité ou à la démocratie. C'est pas possible ça. Celui-là, il est pas musulman. D'accord? Celui-là, il a annulé son islam. Ça, c'est du shirk. Ça veut dire que t'as pris Allah comme législateur, puis après t'as pris un autre comme Allah, t'as pris l'autre, un autre qu'Allah comme législateur. Pareil, tu prends Allah comme adoré, en par exemple tu fais sujoud devant Allah, et puis lorsqu'ils arrivent devant les tombes, au bled, ils font le sujoud devant la tombe, ou ils font le tawaf autour de la tombe, ou ils vont invoquer les gens des tombes pour qu'ils guérissent leurs malades. Toute personne qui fait ça, c'est un mushrik. À partir du moment où il fait ça, il a annulé son islam. Et qu'il soit ignorant, qu'il soit savant, qu'il soit le plus ignorant des hommes, ça n'y change rien. L'islam, c'est le tawhid. Qu'il sache ou qu'il sache pas, l'islam, c'est le tawhid. S'il a fait cela, il est plus sur l'islam. C'est comme l'eau et le feu, ça peut pas aller ensemble. Le tawhid et le shirk. C'est deux inverses, comme ils ont dit les ulama. Tawhid et le shirk, ضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان. Le tawhid et le shirk, c'est deux contraires qui ne se rencontrent jamais. Comme il a dit le Cheikh Abd al-Rahman al-Hassan. Une fois qu'on sait cela, là on parle de la réalité de l'islam, c'est-à-dire la personne pour qu'il soit musulman auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'il fasse ces choses-là. Et pour qu'il soit jugé comme musulman dans cette vie, l'islam al-hukmi, pour qu'il soit jugé comme musulman dans cette vie, c'est selon les apparences. On se fie sur les apparences. Hein? Dans cette dunya, on juge les gens sur les apparences. An Anas ibn Malik قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته أخرجه البخاري. البخاري رحمه الله rapporte dans son صحيح الحديث numéro 391 de Anas ibn Malik رضي الله عنه que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: celui qui prie notre prière et qui s'oriente vers notre qibla, et qui mange notre sacrifice, c'est-à-dire qui mange halal, celui-là c'est le musulman. Il a la protection d'Allah et la protection de son messager. C'est dans le Bukhari numéro 391. Ce hadith, il signifie quoi? Il signifie que si une personne, tu le vois prier, ou tu le vois dire la ilaha illallah, ou tu le vois s'orienter vers la qibla, c'est-à-dire ici prier en fait, et tu le vois manger nos sacrifices, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne mange pas le haram ou le porc ou quoi que ce soit, tu dois le juger comme étant musulman. Ça, c'est dans tous les cas? Non, c'est pas dans tous les cas. Le cas où tu vois que ça, si tu vois que ça, par exemple, ce que tu vois devant toi à la mosquée, ce qu'on appelle Majhoul Hal, tu le vois dans la ou Mastour Hal plutôt, tu le vois dans la mosquée comme ça, tu le vois en train de prier, ou tu le vois, il te dit la ilaha illallah, celui-là, tu le juges dans, de musulman. C'est-à-dire, pour toi, il est musulman maintenant, ça y est, d'accord? Ma lam yudhir naqid min naqid al-islam. Ma lam yudhir naqidan min naqid al-islam. Tant qu'il ne fait pas apparaître une annulation parmi les annulations de l'islam. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que si une personne qui prie, tu le juges musulman. Si cette même personne qui prie, il fait une annulation de l'islam, il fait de la sorcellerie, on va le voir les annulations d'islam. Il se moque d'Allah et de son messager, il prend pour juge le tarot, il prend le jugement du tarot et il l'accepte, etc., etc., on verra le détail. Ou il adore un autre qu'Allah, là tu le juges plus comme musulman. D'accord? Vous avez compris cette règle-là. C'est très important, ce qu'on appelle l'islam al-hukmi. Parce qu'ici, c'est la différence avec deux sectes. Ici, les gens de la sunna, les gens de l'haq, donc tous, inshallah, on se différencie ici de deux sectes. D'une part, il y a le murji'a wal jahmiya, qui disent quoi? Qui disent que toute personne qui dit la ilaha illallah, il est muslim, et il restera muslim, même s'il annule son la ilaha illallah par des actes ou des paroles. D'accord avec moi? Et il y a une deuxième secte, qui sont afarakh al-khawarij, ce qu'on appelle roulat al-takfir, qui sont en fait des gens qui ont développé certaines croyances des khawarij à notre époque, qui disent, même s'il dit la ilaha illallah, on le considère comme kafir. Pourquoi? Parce qu'on sait que les gens, ils font du shirk, etc., etc. Non. Ce hadith-là, il te dit que non. C'est un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que celui qui prie ou qui dit la ilaha illallah, tu le considères comme musulman. Et tu prends les autres preuves qui te disent quoi? Que s'il fait une annulation d'islam, là il te faut le sortir de l'islam. D'accord? C'est très important. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le même sens dans surat al-Tawba, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينَ. Dans surat al-Tawba, le verset 11, Allah azza wa jalla dit, s'ils se repentent, il parle des mouchriquins, s'ils se repentent, qu'ils accomplissent la salat, et qui donnent la zakat, ils sont vos frères dans la religion. Ils sont vos frères dans la religion. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى الشيخ شيخ الإسلام فعلق الأخوة في الدين على التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والمعلق بالشرط ينعدم عند عدمه فمن لم يفعل ذلك فليس بأخ في الدين ومن ليس بأخ في الدين فهو كافر في شرح العمدة المجلد الثاني صفحة 73. Ibn Taymiyyah rahimahullah il dit à propos de ce verset que Allah il a lié la fraternité dans la religion à trois choses. Il a lié ou il a conditionné, on va dire, la fraternité dans la religion à trois choses. Le fait de se repentir du shirk, première chose. Le fait d'accomplir la salat, deuxième chose. Le fait de donner la zakat, troisième chose. Ce qui est lié à une condition est absent si la condition est absente. Ce qui est lié à une condition est absent lorsque la condition est absente. Celui qui ne fait pas une de ces trois choses n'est pas notre frère dans la religion. Celui qui n'est pas notre frère dans la religion, c'est un kafir. C'est ce qu'il dit Ibn Taymiyyah rahimahullah dans l'explication de Umdat al-Fiqh, le volume 2, la page 73. Vous avez compris? Ça veut dire que la fraternité dans le din ici, elle est liée à ces trois choses. Nul n'est notre frère dans la religion tant qu'il se repent du shirk, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de shirk. Qu'il accomplisse la zakat et qu'il donne la zakat. Qu'il accomplisse la salat et qu'il donne la zakat. C'est-à-dire, si tu le vois toi, un musulman, il vient devant toi, il te dit, moi, je fais pas de shirk. Il n'a pas même pas besoin de le dire. Il te dit, moi, je suis musulman. Ça implique qu'il fait pas de shirk. Normalement. Qu'il fait là, ou que tu le vois faire la salat, tu le considères comme musulman. Jusqu'à preuve du contraire. Alors, si jamais par la suite te vient qu'il fait un naqid là, tu le juges en conséquence. De même, si une personne, il vient et te dit, moi, je suis musulman, et tu sais qui? Soit il fait du shirk, ou qu'il ne fait pas la salat. D'accord? Cette personne-là, tu le considères comme quoi? Comme un kafir et un mushrik. Même s'il s'appelle Mohammed, même si sur sa carte d'identité, comme dans certains pays, il a écrit musulman, même s'il a une barbe jusque-là, au Madrid. Dans le même sens qu'on vient de citer, on cite une autre parole, on n'aurait même presque pas besoin, mais non, on passe au chapitre suivant, Inch'Allah. الكفر اعتقاد وقول وعمل فمن قال لا كفر الا بالاعتقاد فهو جهمي. La mécréance elle peut arriver à une personne, c'est-à-dire une personne elle peut sortir de l'islam par la croyance, par une parole ou par un acte. Une de ces trois choses. Quant à ceux qui disent Vous l'avez? La mécréance peut advenir par une croyance, une parole ou un acte. Quant à celui qui dit « il n'y a de mécréance que par la croyance », c'est un Jahmi. Il fait partie de la secte de Al-Jahmiya. C'est la croyance d'une secte égarée que les salafs ont rendu mécréant, qui s'appelle Al-Jahmiya. Ils ont d'autres croyances que celle-là. C'est pas la seule croyance. C'est basé sur leur croyance que la foi, Al-Iman ou Al-Tasdiq, la foi c'est juste Al-Ma'rifa, la croyance du cœur, la connaissance du cœur, non pas la croyance. Alors que pour les gens de la Sunna, la mécréance et les preuves de la Coran sont claires et on va en voir. On peut sortir de l'islam par une parole simple, par une croyance simplement, par un acte simplement. Du moment que cette parole, cet acte ou cette croyance ont été jugés par Allah et son messager comme étant de la mécréance. Alors on a besoin d'un dalil du Coran de la Sunna. قال الشيخ الإمام المجدد أبو علي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب حكم المرتد وهو الذي يكفر بعد إسلامه نطقا أو اعتقادا أو شكا أو فعلا ولو مميزا بقوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم في الدرر الثانية المجلد العاشر صفحة 88. Cheikh Mohamed Abdou Wahab, il a dit, rahimahullah, chapitre, le jugement de l'apostat. Dans tous les livres de fiqh, de jurisprudence islamique, il y a un chapitre sur le jugement de l'apostat. Et ils commencent tout le temps, quasiment, leur chapitre comme cela. Bab, hukm al-murtad, chapitre, jugement de l'apostat. Et il dit le Cheikh, wa huwa alladhi yakfuru ba'da islamihi, et c'est celui qui mécroit après l'islam. Après l'islam, par une parole, par une croyance, par un doute ou par un acte. D'accord ? C'est ce qu'on vient de citer. C'est-à-dire que la personne, elle peut sortir de l'islam par une de ces quatre choses. Il prononce une parole de kofre. Il a une croyance de kofre. Il a un doute sur le din ou il commet un acte de mécréance. Et la parole d'Allah, la preuve, c'est la parole d'Allah Ta'ala. Dans Surat At-Tawba, on va y revenir, c'est pas vrai, parce que c'est là. Une annulation de l'islam qui est l'istihza, le fait de se moquer d'Allah ou de son messager ou du Coran. Allah dit قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Dit, est-ce d'Allah, de ses versets ou de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez mécru après avoir eu la foi. Donc ce verset, c'est une preuve claire comme quoi celui qui se moque d'Allah, de ses versets ou de son messager, il devient mécréant. Et il dit Allah, ne vous excusez pas, c'est-à-dire vous n'êtes pas excusé. C'est ce qu'il dit. Le Cheikh Sulaiman, par exemple, Ibn Abdallah, dans son explication de Kitab al-Tawhid, parce qu'il y a un chapitre dans Kitab al-Tawhid qui concerne cette chose-là, il dit, le Cheikh Sulaiman, Ibn Abdallah, وفي الآية دليل على أن الرجل إذا فعل الكفر ولم يعلم أنه كفر لا يعذر بذلك بل يكفر تيسير العزيز الحميد صفحة 39 و 600. Dans ce verset, après ce verset, ne vous excusez pas, vous avez mécru après avoir eu la foi. Le Cheikh Sulaiman ibn Abdallah, dans son commentaire du Kitab al-Tawhid de son grand-père, il dit, il y a dans ce verset une preuve comme quoi l'homme, s'il fait de la mécréance, et il ne sait pas que c'est de la mécréance, il n'est pas excusé par cela, et il devient mécréant. D'accord? Ça, c'est un livre qui s'appelle Taysir al-Aziz al-Hamid, Sharh au Kitab al-Tawhid, à la page 639. Édition Ihya' Turath. Ihya' Turath. Donc là, on a une preuve, on a de nombreuses preuves, parce que les annulations d'islam, vous allez voir, quand on va étudier les 10 annulations d'islam, il y en a qui concernent la croyance, il y en a qui concernent les paroles, comme ça, le fait de la moquerie, et il y en a qui concernent quoi? Les actes, comme le sihr, la sorcellerie, comme le shirk, qui est souvent dans les actes, ou comme par exemple, que sais-je, voilà, qui concernent les trois, l'essentiel, dans les nawaqid, dans les annulations d'islam, les 10 qu'on va étudier, on va le voir. Certains ulama, ils en ont sorti plus de 400 choses qui font sortir du din. Dans les 10 qui font unanimité, il y a des croyances, des paroles et des actes. Il y a une secte qui est apparue au cours des temps, qui sont Al-Murji'a ou Al-Jahmiya. Ces deux sectes, et parmi eux aussi Al-Asha'ira à notre époque, qui ont pris le contrôle depuis des siècles, qui ont pris le contrôle de la plupart des universités et instituts où on enseigne l'islam, parmi lesquels l'un des plus connus, Al-Azhar en Égypte, mais aussi Deoband en Inde, mais aussi d'autres endroits, au Cham particulièrement, où on enseigne l'aqida al-ash'ariya, c'est ash'aira, ash'aira, ils disent qu'il n'y a de mécréance que par le cœur. Il n'y a de mécréance que par le cœur. Et ils démentent en cela clairement le Coran, la Sunna et ijma' al-salaf. Ce que les salaf, l'unanimité des salaf sur ces questions-là. Puisque tous les salaf, ou tous les ulama, même dans leurs livres, disent que, par exemple, que celui qui jette le mushaf dans les ordures devient kafir. Comme ils le disent dans le livre de fiqh. Or ça, c'est un acte. Ils disent aussi, man sajada li sanam kafar. Celui qui se prosterne devant une idole, il devient mécréant. C'est un acte. Celui qui insulte Allah par la langue, il devient mécréant. C'est un acte. Malgré cela, l'Asha'ira, ils disent pas ça. Comme il dit Ibn Hazm, qui malgré Ibn Hazm avait quelques erreurs dans la Aqida, mais cette question-là, il était arrivé par la preuve al-haqq, à la réalité. Qu'est-ce qu'il dit Ibn Hazm, rahimahullah? Il dit, فما على ظهر الأرض مسلم يخالف في أنه كفر مجرد يعني سب الله أما سب الله تعالى سب الله تعالى فما على ظهر الأرض مسلم يخالف في أنه كفر مجرد إلا أن الجهمية والأشعرية وهما طائفتان لا يعتد بهما يصرحون بأن سب الله تعالى وإعلان الكفر ليس كفرا قال بعضهم ولكنه دليل على أنه يعتقد الكفر لا أنه كافر بيقين بسبه الله تعالى وأصلهم في هذا أصل سوء خارج عن إجماع أهل الإسلام وهو أنهم يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب فقط وإن أعلن بالكفر وعبادة الأوثان بغير تقية ولا حكاية ولكن مختارا في ذلك الإسلام قال أبو محمد رحمه الله يعني ابن حزم وهو كفر مجرد لأنه خلاف لإجماع الأمة ولحكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وجميع الصحابة ومن بعدهم في المحلى المجلد الثاني عشر صفحة 35-400 Il dit Ibn Hazm, rahimahullah, c'est très important, parce que cette croyance, vous la retrouverez chez les gens, et vous la retrouverez chez les sectes à notre époque. Il dit, Ibn Hazm, il dit, le fait d'insulter Allah, il n'y a pas de musulmans sur la surface de la terre qui divergent sur le fait que c'est de la mécréance pure. Celui qui insulte Allah, il devient un mécréant directement. Il dit, personne ne diverge dans ça, sauf Al-Jahmiyyah ou Al-Ash'ariyyah. Sauf ces deux sectes. Et ils sont deux groupes auxquels on ne prête aucune importance. C'est-à-dire, on ne s'intéresse même pas à leur avis. D'accord? C'est Ibn Hazm qui dit ça. Il est ancien, Ibn Hazm, du 4e siècle. Ces gens-là, ces deux sectes-là, elles prétendent que celui qui insulte Allah Ta'ala, ou qui fait apparaître la mécréance, ne mécroit pas. Il dit, et certains d'entre eux disent, mais c'est une preuve qu'il croit à la mécréance par son cœur. Mais pas qu'il devient mécréant juste par le fait qu'il ait insulté Allah Ta'ala. Et tout cela est basé sur une mauvaise base qui s'oppose à l'ijma, à l'unanimité des gens de l'islam. Et c'est que ces gens disent, c'est-à-dire Al-Jahmiyyah et Al-Ash'ariyyah, que la foi c'est le tasdiq bil qalbi faqat. C'est la reconnaissance du cœur seulement. C'est-à-dire pour eux, une personne il a la foi quand dans son cœur il reconnaît Allah et son message. Alors que pour nous, une personne, Ahl Sunnah, il a la foi lorsqu'il reconnaît par son cœur que par sa langue il dit Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, et que par ses membres il se soumet à Allah en faisant la salat et qu'il s'abstient de commettre tout acte, parole et croyance de mécréance. C'est ça la réalité de l'islam qui s'oppose à l'islam soi-disant de l'Ash'ariyya et de l'Jahmiyya. Ils disent, ces gens-là, ils disent quoi? L'Ash'ariyya ou l'Jahmiyya? Ils disent quoi? Que l'Iman, c'est tasdiq bil qalbi faqat. Que la foi, c'est le fait de reconnaître par le cœur seulement. Même s'il fait apparaître la mécréance. Même s'il adore les idoles. Et ensuite, il dit Ibn Hazm, wa hadha kufrun mujarrad. Ceci en lui-même, cette croyance même, c'est de la mécréance aussi. Et le fait de penser ça, cette croyance-là, c'est de la mécréance. لأنه خلاف لإجماع الأمة car ça s'oppose à l'unanimité de la communauté et au jugement d'Allah et de son messager et de tous les compagnons. Et ça c'est dans son livre Al-Muhalla, le volume 12, la page 435 de l'édition d'Ar Kutub al-Ilmiyya. C'est très important. Pourquoi? Parce que cette croyance, on va le voir au niveau de des annulations de l'islam, et vous le voyez tous les jours. En fait, c'est une croyance à laquelle vous faites face tous les jours. On vous dit quoi? Tu lui dis un tel, mais il fait du shirk akbar, il adore les tombes, il a insulté Allah, il se moque du din. Ou il change la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala complètement. Ou il ne fait pas la salat. Et les gens ils te répondent, ouais mais son cœur il est taillé. Il croit. Il croit dans son cœur. Il a la foi dans son cœur. Il m'a dit, ouais il m'a dit, reconnaissez Allah et son messager. Déjà c'est un menteur. Parce que si son cœur était plein de foi, il ne ferait pas des actes de mécréance. Hein? Et deuxièmement, nous, on s'en fout de ce qu'il y a dans son cœur, entre guillemets. Nous, on juge ses actes, on juge son apparence dans cette vie. Malheureusement, cette croyance s'est répandue. Elle est sortie des ulama de Murji'a parmi l'Ash'ara ou l'Jahmiya, les ulama de l'Azhar, les ulama de Dioban, et le Maturidiya, etc., etc. Elle s'est répandue chez l'Awam, chez les gens du commun. Et elle s'est répandue après chez certaines personnes qui se prétendent salafis à notre époque. La foi, c'est dans le cœur. Hein? Tu peux juger que son cœur. Non, tu juges tes actes. Donc celui qui, chaque fois qu'on lui parle d'un acte de mécréance, il nous parle du cœur, il nous dit non, la mécréance, c'est la croyance, c'est le cœur, c'est un Jahmi. Même s'il se prétend salafi, même s'il a étudié 15 ans, c'est un Jahmi. Taïf. Prochain point, at-takfir, hukm shar'i. Le takfir, c'est un jugement de la sharia. Pourquoi on dit ça? Parce qu'aujourd'hui, le takfir, c'est devenu une insulte. Il te dit, ou alors carrément, il pense que c'est un péché. Cette personne, il fait takfir. Il rend les gens mécréants. Ou il a dit qu'un tel était kafir ou quoi que ce soit. Alors que dire que quelqu'un est kafir, c'est pas bien ou mal en soi-même. C'est en fonction de la personne et de l'application de ce jugement en fonction des preuves de la charia. D'accord? Le takfir, c'est-à-dire le fait de sortir quelqu'un de l'islam ou de le déclarer kafir, c'est un jugement de la charia. Lahu dawabat, il a des règles. Si il a employé ce jugement en suivant les règles du Coran et de la Sunna et de ce que les salafs et les ulama ont écrit dans leurs livres, c'est une bonne chose, la personne y sera récompensée. Si jamais il le fait sans respecter les règles, c'est un péché. D'accord? À ce propos-là, l'imam Abu Muhammad al-Barbahari, rahimahullah ta'ala, il dit: وَلَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ مِنَ الْإِسْلَامِ حَتَّى يَرُدَّ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ أَوْ يَرُدَّ شَيْئًا مِنْ آثَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ يُصَلِّي لِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ يَذْبَحُ لِغَيْرِ اللَّهِ وَإِذَا فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمُسْلِمٌ بالاسم لا بالحقيقة في شرح السنة صفحة 35. الإمام البربهاري رحمه الله كان الإمام دو العقيدة كان كريم تيليف دو العقيدة تخيريش كسابل شرح السنة souvent le cite peut-être un jour on finira par l'expliquer inshallah, ce serait une bonne chose. Il dit رحمه الله: et aucun des gens de la Qibla, c'est-à-dire des gens qui font la salat, des gens qui sont des muslimines, l'islam al-hukmi, qui font la salat, aucune personne ne sort de l'islam jusqu'à ce qu'il rejette un verset du livre d'Allah Azza wa Jalla, ou qu'il rejette un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ici c'est des exemples qu'il veut donner en fait. Il veut donner des exemples pour montrer c'est quand qu'une personne sort de l'islam. Il dit jusqu'à ce qu'il rejette un verset du livre d'Allah, ou qu'il rejette un hadith du messager d'Allah, ou qu'il prie pour un autre qu'Allah, ou qu'il sacrifie pour un autre qu'Allah. Et s'il commet une de ces choses-là, il est une obligation pour toi que tu le sortes de l'islam. Et c'est très important le Barbahari. Il nous montre des annulations d'islam, qui sont des croyances et des actes, prier pour un autre qu'Allah ou sacrifier pour un autre qu'Allah. Et à la fin, il dit, s'il fait, une de ces choses, il est une obligation pour toi de le sortir de l'islam. C'est-à-dire, toi, tu ne dois pas continuer à dire qu'il est musulman lorsque tu le vois rejeter le Coran, ou juger par, ou remplacer la loi d'Allah par une autre loi que celle d'Allah, parce que c'est équivalent. Ou prier pour un autre qu'Allah, comme il prie pour les al-Qubur, l'Ubbad al-Qubur, les adorateurs des tombes, al-Mushrikin. Ou sacrifier pour un autre qu'Allah, comme ils font al-Mushrikin, Jahalat al-Mushrikin, qui font lorsqu'ils rentrent dans les maisons, qu'ils bâchent pour les djinns, ou al-Sahara, les sorciers, etc., etc. Lorsque tu le vois faire une de ces choses-là, que tu as l'incertitude, qu'est-ce que tu dois faire? Et te dis, al-Barbahari, s'il est obligatoire pour toi de le sortir de l'islam, de le déclarer comme kafir. Ça, c'est dans le Sharh Sunnah à la page 35. Et on va voir que c'est même, dans certains cas, si tu ne le sors pas de l'islam, ça prouve une annulation de l'islam, comme dit M. Mohamed Al-Gourab. Si tu refuses de sortir un kafir de l'islam, tu refuses de faire son takfir, c'est la troisième annulation. On va voir, il y a des détails. Ça ne s'applique pas dans tous les cas et pas à toutes les mécréances et pas à toutes les personnes. Mais ça peut faire sortir de l'islam. Que dire alors des gens qui te disent non, le takfir, ça n'existe pas dans le din? Ou qui écrivent des livres comme At-Tahdhir min fitnat al-takfir, avertir contre la tentation du takfir, ou qui disent comme certains ignorants, Jahalat al-Baqar, al-Jahmiya, qui disent comme quoi le takfir, ce virus. Le takfir, c'est pas un virus, il y a Jahal. Le takfir, c'est un hukum shar'i. Les ulémas, ils l'ont utilisé en tout temps, depuis Abu Bakr al-Siddiq, qui a kaffar mani' al-zakat, qui a kaffar ceux qui ont refusé la zakat, depuis Ali ibn Abi Talib, qui a kaffar ceux qui l'ont divinisé, depuis l'ulama, l'imam Ahmad al-Bukhari, etc., qui ont kafar al-Jahmiya, depuis ceux qui ont kafar al-Rawafid, les chiites, l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui a kafar al-Ittihadiyya, les gens qui disaient qu'Allah et sa création sont unis, waliyadumillah, les soufis. Ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, qui a kafar Ubad al-Khubur, al-San'ani, pareil, etc., etc. Tous les ulama, ils ont kafar. C'est pas un virus, c'est pas une fitna. Mais il faut respecter les règles. À ce propos-là, le Cheikh l'Islam Mohammed Abdul Wahhab, rahimahullah, il dit: "Man azhar al-Islam wa dhananna annahu ata bi naqid la nukaffiruhu bidh-dhann, li'ann al-yaqin la yarfa'uhu adh-dhann." Fi ad-Durar as-Saniyah al-Mujallad al-Ashir, safhata 12 wa 100. Le Cheikh Mohammed Abdul Wahhab dit, rahimahullah, c'est très important, c'est une des grandes règles du takfir. Et on va citer une autre. Après, Cheikh Mohammed Abdul Wahhab dit quoi? Celui qui fait apparaître l'islam, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. On le voit faire la salat, où il nous dit la ilaha illallah, muslim, etc. Et qu'on pense, on doute, est-ce qu'il a fait une annulation de l'islam ou pas? Vananna annahu ata binaqidin, la nukaffiru bidwan. Si on a la certitude, on l'a vu faire apparaître l'islam, et on doute, est-ce qu'il fait une annulation de l'islam ou pas? On ne le rend pas mécréant par ce doute. Car la certitude n'est pas enlevée par le doute. La certitude n'est pas enlevée par le doute. C'est-à-dire, si on a là une certitude qu'il est musulman, qu'on a un doute qu'il a fait une annulation de l'islam, t'es pas sûr. On t'a dit, mais tu sais pas, la personne qui t'a dit, il dit n'importe quoi. D'accord? Ou t'as pas bien vu, ou t'es pas sûr. Tu le rends pas mécréant. Pourquoi? Parce qu'ici, tu as une certitude et un doute. Et la certitude, elle est plus forte que le doute. Et ça, c'est une grande règle dans le dîn en général. Al-yaqinu la azulu bishak. On l'a vu dans le fiqh. Dans le dernier dars de fiqh, on l'a vu. Au niveau de tahara. Naam. Al-yaqinu la azulu bishak. Tu rends pas les gens mécréants par doute. Ou par hawa, en suivant la passion. Ou par colère. Non. Tu dois être sûr. Hawa'id mundabita. Des règles établies. Tu sais qu'il a fait du kufr. Tu sais qu'il l'a fait. Et tu sais que c'est du kufr par le livre et la sunna. C'est là que tu kafas. Et qu'il n'a pas d'excuses. Et à ce propos, une grande nasiha du Cheikh Abdullah ibn Abd al-Rahman Ababtain, rahimahullah, il dit: وَبِلْ جُمْلَةِ فَيَجِبُ عَلَى مَنْ نَصَحَ نَفْسَهُ وَلَا يَتَكَلَّمَ فِي هَذِي الْمَسْأَلَةِ إِلَّا بِعِلْمٍ وَبُرْهَانٍ مِنَ اللَّهِ وَلْيَحْذَرْ مِنْ إِخْرَاجِ رَجُلٍ مِنَ الْإِسْلَامِ بِمُجَرَّدِ فَهْمِهِ وَاسْتِحْسَانِ عَقْلِهِ فَإِنَّ إِخْرَاجِ رَجُلٍ مِنَ الْإِسْلَامِ Et dit, de manière générale, il est une obligation pour celui qui est sincère qu'il ne parle pas sur cette question si ce n'est avec science et preuve de la part d'Allah. Il faut avoir la science et la preuve d'Allah. Et qu'il fasse attention à faire sortir quelqu'un de l'islam par sa seule compréhension ou par sa seule raison. De manière générale, il est une obligation pour toute personne qui est sincère envers lui-même, qu'il ne parle sur cette question qu'avec science et preuve de la part d'Allah. Et qu'il fasse attention à sortir de l'islam par sa simple compréhension ou par sa seule raison. Car faire sortir une personne de l'islam ou le faire rentrer dans l'islam fait partie des plus grandes choses de la religion. Vous voyez ? Il faut faire très attention à ces choses-là. Ne parler qu'avec preuve et avec certitude. Pas sortir de l'islam ni par colère, ni par contre, par sa compréhension, ou par juste sa raison comme ça, ou parce que voilà. Et ensuite il dit: وَقَدْ اسْتَزَلَّ الشَّيْطَانُ أَكْثَرَ النَّاسِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَقَدْ سَرَى بِطَائِفَةٍ فَحَكَمُوا بِإِسْلَامٍ دَلَّتِ النُّصُوصُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ عَلَى كُفْرِهِ وَتَعَدَّى بِآخَرِينَ فَكَفَّرُوا مَنْ حَكَمَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ مَعَ الْإِجْمَاعِ بِأَنَّهُ مُسْلِمُونَ الدُّرَرُ الثَّانِيَةُ الْمُجَلَّدُ الْعَاشِرُ صَفْحَةُ 74 و300. Le Cheikh Abdallah ibn Abdurrahman Babatayn dit ensuite: et le diable, le shaitan, a trompé la plupart des gens sur cette question-là. Un groupe en jugeait musulman une personne dont le texte du Coran et la Sunna et l'unanimité des ulama ont jugé mécréant. Il y a des gens qui sont mécréants et eux ils les considèrent comme étant des muslimines. On le voit ça. Il ne fait pas la salat, mais il est musulman. Et je mets à Sahara sur cette question. Considère comme muslim Ubad al-Qubur, les adorateurs de tombes. Il considère comme muslim Hukam al-Tawarit, les gouverneurs ou les groupes qui changent complètement la charia d'Allah Azzawajal, les imaniyin, les laïcs, les démocratiens, les démocrates, les shtirakiyin, les socialistes, et les juges comme musulmans, alors que le livre, la sunna, l'ijma' kaffarahum, ils ont rendu mécréants. Et un autre groupe, il dit le Cheikh Abdallah, ils ont rendu mécréants des gens que le Coran, la sunna, l'ijma' ont jugé comme étant musulmans. C'est l'autre groupe, les extrémistes. Les rendent mécréants les musulmans. Ils rendent mécréants, par exemple, pour les péchés. Une personne qui boit de l'alcool, tu ne peux pas le rendre mécréant. S'il est musulman, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, tawhid al-salah, tu ne peux pas le rendre mécréant pour un péché. Ou ils rendent mécréants certains avec des règles innovées. Al-asl finnas al-kufr. La base chez les gens, c'est la mécréance. De quel droit ça? Ça veut dire que même lui, ce kafar peut-être? Allah al-Musta'an. Cette parole est d'un Dorar Sani, le volume 10, la page 374. Et certaines personnes, on le voit, on l'a vu, que c'est clairement une erreur, renient le takfir de manière générale. Il n'y a pas de takfir dans l'islam, Allah. Certains, ça va jusqu'aux juifs, aux chrétiens. Certains, ça va jusqu'aux juifs, aux chrétiens. C'est ça, cette croyance, c'est une croyance de kufr. Jusqu'à ce que certains savants du kufr à notre époque ont demandé la miséricorde d'Allah sur le pape, Jean-Paul II, parce qu'il est mort. Certaines sectes à notre époque renient le takfir, ou certaines sectes aussi prétendent que le takfir, le fait de déclarer mécréant, est l'apanage des savants. Comme quoi, ça peut être fait ça que par un savant, un alim. Et il s'attribue généralement à la salafiyya, c'est-à-dire aux gens qui suivent les salafs. Or, on voit que l'un des chouyours auxquels eux-mêmes s'attribuent, qui est le Cheikh Ibn Baz, dit exactement le contraire. Ça, c'est des questions, je vais lire, qui ont été posées au Cheikh Ibn Baz lors de son explication du livre Kashf al-Shubuhat, le dévoilement des confusions de Cheikh Mohamed Abdurrahman. C'est dans Sharh Kashf al-Shubuhat, la page 26 et 27, Safhat 26 ou 27, de l'édition Maktabat al-Hadi al-Muhammadi, c'est aussi une cassette. C'est dans une cassette. Ça a été une cassette. Donc il y a même la voix. Soual, Cheikh Ibn Baz, هل يجب على العام أن يكفر من قام كفره أو قام فيه الكفر؟ الجواب من الشيخ إذا ثبت عليه ما يوجب الكفر كفره. ما المانع؟ إذا ثبت عنده ما يوجب الكفر كفره. مثل ما نكفر أبا جهل وأبا طالب وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة. والدليل على كفرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم يوم بدر. سؤال يا شيخ. العامي يمنع من التكفير؟ الجواب العامي لا يكفر إلا بالدليل. العامي ما عنده علم هذا المشكل، ولكن الذي عنده علم بشيء معين مثل من جحد تحريم الزنا هذا يكفر عند العامة والخاصة، هذا ما فيه شبهة. ولو قال واحد إن الزنا حلال كفر عند الجميع، هذا ما احتاج أدلة. Il dit, on a demandé à Ibn Baz, dans son explication de Kashubuhat, est-ce qu'il est une obligation pour l'ammi, le genre de la personne du commun? L'ammi, c'est la personne qui n'a pas étudié. D'accord? Comme ça, une personne du commun. Il fait son din. Personne du commun. Est-ce qu'il est une obligation pour l'ammi de rendre mécréant une personne qui fait de la mécréance? C'est-à-dire, c'est exactement le contraire de ce qu'ils disent, le morji'a qui se prétend à la salafia. En fait. Comme quoi, l'ammi ne se préoccupe pas de ces choses-là. Il apprend pas naqd de l'islam, on lui parle pas de takfir, comme il disait à l'époque le mubtadi'a, on parle pas de sifat aux gens du commun, tu sais, des attributs d'Allah, parce que sinon ils vont faire ressembler à Allah la créature, exactement pareil. Ibn Baz, qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est des bêtises. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on lui demande, est-ce que la personne du commun, elle a le droit de mécréance? Qu'est-ce qu'il répond? Il dit, s'il lui est établi quelque chose qui rend mécréant, il rend mécréant. Qu'est-ce qui empêche? Ici, il est établi qu'il a fait de la mécréance, il le rend mécréant. Comme nous rendons mécréant Abu Jahl, Abu Talib, Utma ibn Rabi'a, Shayba ibn Rabi'a. Et carrément, il a cité des têtes de Quraysh. Il dit, la preuve qu'ils sont mécréants, c'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a combattus le jour de Badr. Donc là, il nous dit exactement le contraire de ce qu'ils disent des gens qui prétendent le suivre, c'est que la personne du commun, s'il a la preuve de la mécréance de quelqu'un, il sort de l'islam. Ubbad al-Qubur, les adorateurs de tombes, l'ilmaniyin, les laïcs, etc., etc. Il lui pose une autre question. « Oh, cher, est-ce que la personne du commun, on doit lui interdire le takfir ?» Il répond, la personne du commun ne doit rendre mécréant qu'avec une preuve. D'accord? Il dit, si le ami, la personne du commun, il n'a pas de science, ça c'est un problème. Mais s'il a de la science et il sait qu'une chose en particulier est de la mécréance, il rend mécréant. Comme quelqu'un qui renie l'interdiction de la fornication, par exemple, c'est de la mécréance, c'est tout le monde. Tout le monde peut rendre mécréant pour cette chose-là. D'accord? Ça, c'est dans Sharh al-Kashf. C'est pour montrer ici que les sectes qui disent que le takfir c'est que pour les savants, c'est faux. Et même les savants, comme Sheikh Ibn Baz, ils disent le contraire de ça. Et maintenant, on cite une qa'ida, une règle. Qa'idatun jami'atun fil islam al-hukmi wa al-takfir. C'est le point suivant, ça résume. On va résumer juste en fait ce qui a précédé. On dit فالتكفير حكم معلل مرتب على وصف وهذا الوصف يجب أن يثبت بدليل شرعي ويجب أن يتحقق في المحكوم عليه بطريق شرعي. Il dit, le takfir est un jugement qui a des causes. معلل, il a des causes. D'accord? Ces causes, elles sont attachées à un attribut, c'est-à-dire que quoi? Un wasf, un attribut, à une caractéristique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le jugement du takfir, il est lié à ce qu'on a dit. Une croyance, une parole ou un acte. D'accord? Cette chose-là, il est une obligation qu'elle soit établie par un dalil shar'i, par une preuve. D'ailleurs, on est obligé, quand tu dis telle chose c'est de la mécréance, tu dois avoir une preuve. D'accord? Cette preuve-là, elle vient d'où? C'est quoi les preuves chez nous? Coran, Sunna sahiha, ijma'. C'est ça la preuve chez nous. Coran, Sunna, Hadith ou ijma'. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, wa yajib an yatahaqqaqa fil mahkoumi alayhi bi tariqin shar'i. Et il faut que la personne qui est jugée, la personne dont on juge de la mécréance, le jugement qui est fait sur lui soit fait d'une manière légiférée. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ça ne doit pas être une fausse accusation. Imagine, j'attribue à toi par exemple, à toi, Akhi, je t'attribue une chose. Je dis par exemple, tel frère il a dit telle chose, c'est pas vrai. Et les gens qui vont dire, oh, c'est un kafir, il a dit ça, c'est un kafir. Et je mens. D'accord? Donc tu dois t'assurer que ce dont j'accuse la personne, il y a déjà une preuve que c'est du kufr, et qu'ensuite cette accusation est vraie. Et cette chose-là, chez les ulémas, ça provient soit où toi tu l'as entendu directement, soit deux témoins viennent témoigner. D'accord? Si une personne, il dit, comme la plupart des gens à notre époque, il dit sa mécréance en public, et gars, il la met sur YouTube, ou sur je sais pas quoi, hein, ou sur Facebook, il met sa mécréance comme ça devant tout le monde, ça, oh là là, ils le font ça, à la télé, gars, il yakfur, al mala, al hawa mubasharatan, comme ils disent, en direct, live. Ikfar, il n'y a pas de problème. S'il le fait en privé, il faut qu'il y ait au moins deux personnes, deux témoins qui viennent rapporter comme quoi, voilà, on l'a entendu dire quelque chose. Surtout s'il y a un jugement après. S'il y a un qada shar'i, un jugement shar'i, par exemple un tribunal, quoi que ce soit, pour le condamner à mort, parce que c'est la conséquence de l'apostasie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le Bukhari, celui qui change de religion, tuez-le. Il faut qu'il y ait deux témoins qui viennent, et ces deux témoins ont, avec les règles de shahadat qui sont dans les livres de fiqh, on regardera si leur témoignage est accepté. Si leur témoignage est accepté, on attribue la mécréance à cette personne, on lui demande de se repentir. S'il ne se repentit pas, on le tue. فَمَنْ أَتَى بِالشَّهَادَتَيْنِ وَأَظْهَرَ شَعَارَ الْإِسْلَامِ مِنْ صَلَاتٍ وَصَوْمٍ وَحْوَ ذَلِكَ فَقَدْ أَظْهَرَ الْإِسْلَامِ. Le point suivant, c'est quoi? Celui qui prononce les deux témoignages et qui fait apparaître les pratiques islamiques, comme la salat ou le jeûne, il a fait apparaître l'islam. فَوَجَبَ أَنْ يُوصَفَ بِهِ ظَاهِرًا. Il est une obligation qu'on lui attribue l'islam, si on le voit faire ça. D'accord? Si on le voit faire ça, on lui attribue l'islam. C'est une obligation. On ne dit pas, ouais, à tawakkaf, comme ils font certaines sectes innovées. Fait tawakkaf, ou ma barge. Il dit, وَلَا يَحِلُّ تَكْفِيرُهُ مَا لَمْ يَلْتَبِسُ بِمُكَفِّرُ. مَا لَمْ يَلْتَبِسُ بِمُكَفِّرُ. Et on ne peut pas le rendre mécréant tant qu'il n'a pas commis quelque chose qui le sort de l'islam, comme on l'a cité précédemment. Deux conditions, que tu aies une preuve claire de la charia qu'il a commis, que cette chose-là qu'il a dit c'est mécréant, et que ça soit établi de manière shar'i, que l'établissement de cette chose-là soit établi de manière légiférée dans notre législation. Ça, c'est le résumé d'une fatwa du Cheikh Ahmed Al-Hazmi, wafaqahu Allah ta'ala. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم